بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا بحث جميل لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصبر قاعدة في الصبر من كتابه جامع المسائل. Donc on lit ensemble بإذن الله عز وجل هذا البحث في الصبر أي la patience. شيخ الإسلام il a cité des paroles jamila, نستفيد منها إن شاء الله تعالى. On a tous besoin de ce adab العظيم الصبر لأن المؤمن في هذه الدنيا il est دائما face à des problèmes ou à des fitaines ou à des épreuves. هذه الدنيا سبلاء فتنة اختبار. C'est comme un examen pour le mu'min. Tu as besoin de ce adab al-azim, al-sabr. Cheikh al-Islam va te démontrer les différentes catégories du sabr, la patience, et كذلك va te montrer les mérites. قال رحمة الله عليه جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه فهو دائما في نعمة من ربهم أو فهم دائما في نعمة من ربهم أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. المؤمن il est toujours في خير. Que ça soit une chose qu'il le touche, qu'il l'aime, ou une chose qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a ce adab, al-sabr. Et كذلك le deuxième adab, et il est عظيم, al-shukr. فعند النعمة يشكر. Quand Allah سبحانه وتعالى lui donne une ni'ma, un bienfait, fayashkur, il est reconnaissant. Wa shukru, c'est bil qalb, avec son cœur, et il reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Wa bil lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, il est reconnaissant avec sa langue, et kadhalik avec al-a'mal. Ay cette ni'ma, il l'utilise fi ta'atillah. Azza wa jal. Ay il obéit Allah subhanahu wa ta'ala, cette ni'ma, elle ne le pousse pas à être injuste. Hada huwa shukr. Et عند المصيبة, quand une catastrophe elle le touche, une épreuve elle le touche, un mal il le touche, fayasbir, il est patient. Cheikh al-Islam il a cité qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith akhrajahu al-imam Muslim an Suhayb radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu ajab, qala huna ajab wa fi riwaya kulluhu khair ma yaqdi Allahu lahu min qada illa kana khayran lahu إن أصابته السراء شكر فكان خير خيرا له إن أصابته السراء. السراء c'est quelque chose de un bonheur, quelque chose de bien, une ni'ma. شكر, il est reconnaissant. فكان خيرا له, c'est un bien pour lui, un bien في الدنيا وفي الآخرة. قال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, si un mal il le touche, يصبر, il est patient, et ça devient un bien pour lui. فالمؤمن il est daïman fi khayr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال عجبن. Et le cas du mu'min il est étonnant, il est daïman fi khayr. Lakin pour celui qui a ces deux caractéristiques, al-shukr, la reconnaissance, et al-sabr, la patience. قال شيخ الإسلام نختصر الكلام il est طويل قليلا. قال وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام. الصبر il y a trois catégories. La première, sabrun ala ta'a hatta yaf'alaha. Ay tu dois être patient dans l'obéissance d'Allah azza wa jalla. Fa inna al-'abd la yakad yaf'al al-ma'mur bihi illa ba'd sabrin wa musabara wa mujahadatin li'aduwihi adh-dhahir wal-batin. Ay pour appliquer cette ta'a, cette obéissance, tu as besoin de patienter. Pourquoi? Li anna 'aduwak, que ça soit min shayatin al-ins ou al-jin, ils feront tout pour t'empêcher de faire ce khayr. Tu es obligé de patienter. Tu dois patienter pour faire salat. Tu dois patienter pour faire le hajj. Tu dois patienter pour faire le siyam. Tu dois patienter pour beaucoup de choses, pour faire la hijra, pour apprendre ton din. Tout ça, tu dois patienter. Kadhalik, tu dois jahed ton nafs. Li'anna nafs ammaratun bis-su. Ton propre nafs, ton âme, elle t'incite ton mal. Et tu dois faire un effort et patienter pour faire cette obligation. Comme les gens, ils ne patientent pas, ils ne font pas salat. Il fait salat un jour, une semaine, un mois, ça devient trop lourd à cause de ses péchés. Et il patiente pas et il délaisse. Quel minanas il patiente pas pour faire le hajj? Maintenant, il peut pas arrêter de travailler, il veut pas faire de sacrifice. Enfin, il fait pas le hajj. Il patientera, il fera le hajj. Thumma, quand il revient, Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayhi. Quel minanas il patiente pas, il sorte pas de zakat. Donc, le premier qism, sabrun ala ta'atillahi azza wa jal. Deuxième qism, sabrun anil manhi hatta la yaf'ala. Deuxième catégorie de patience, ay anil muharramat wa anil shahawat. Il doit patienter pour ne pas tomber dans une chose que Allah il a interdit. Qala fa inna an-nafsa wa dawa'iha wa tazyin ash-shaytan wa qurana as-su ta'muruhu bil ma'siyah. Tout ça, toutes ces choses, que ce soit ton âme, que ce soit un shaitan, que ce soit tes fréquentations, si elles sont mauvaises, tout cela, ils t'inciteront à faire cette ma'siyah. Et vous avez remarqué que quand tu veux faire du bien, كثيرون من الناس, ils ne sont pas là pour t'encourager. Ben, ils te critiquent. C'est pour ça que celui qui applique la sunnah, il est beaucoup critiqué. Annahum, ils sont trop durs. Annahum, ils sont arriérés. Annahum, annahum. Alors que ce que tu veux, c'est te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et l'ilassaf, certains musulmans, ils parlent hakada. Alors que normalement, si lui, il n'arrive pas, au moins, il encourage l'autre. Et si c'est une ma'asiyah, fa kathirun minan nas, ils encouragent. Fa mathalan fi safar, si c'est pour aller étudier l'ilm, fa kathirun minan nas, ils trouvent pas cela normal. Et ils te découragent. Et ton avenir, et min hada al-kalam. Quand c'est pour le fisq ou le ma'asi et dunya, tu trouves un autre discours. Annahu, il est motivé. Annahu, il pense à son avenir. Alors que c'est un voyage, c'est un voyage. Et fil haqiqa, الرحلة إلى طلب العلم سأنفع سأنكمبارابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin pour apprendre العلم أي القرآن إلى السنة, الله lui facilite un chemin pour الجنة. أما celui qui voyage pour le ma'asi et pour le shar et pour le fasad, فهذا il est في طريق الغواية عياذا بالله. لكن pour vous montrer Anna, pour délaisser Al-Ma'asi, tu dois patienter. Les Annaka, tu seras critiqué, accusé. Celui qui accroche à la sunna, il y arrive. Troisième catégorie, As-sabru ala ma yusibuhu bi ghayri ikhtiyarihi min al-masa'ib. Et بعض العلماء, ils ont une formulation plus simple. As-sabru ala aqdarillah. Tu patientes sur ton destin. Des choses, tu n'as pas le choix, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il les a destinées pour toi. Et tu dois avoir husnu dhan billah. En Allah, ce qui t'a destiné, c'est un khayr. Si t'a destiné que tu sois malade, ou que tu perds un proche, patiente, liannahu, c'est un khayr pour toi. Et Cheikh al-Islam, il va citer des fawa'id azima pour te montrer que c'est un khayr. Quatrième qism qu'il a cité, et fil haqiqa, il a détaillé un nou' al-thalith. Il a démontré qu'il y a des choses, on résume, il y a des choses qui touchent l'insan, min al-ibtila'at, les épreuves, et tu n'as pas le choix. Mathalan, la maladie. Et il y a des choses, comme il dit, ma yahsul lahu bi fi'l an-nas. C'est des personnes qui lui font du mal. C'est pas comme la maladie. La maladie, c'est personne t'a fait du mal. Allah kataba alayka hadhihi ou hadha al-marad est éprouvé. Un autre nawa' qui cite, et que c'est min al-qadr, Allah, il a tout décrété. Lakin, celui qui va te faire du mal, c'est une personne. Imma dans tes biens, fait mal, ou irdi, dans son honneur, ou nafsi. Ou il veut un mal. Maintenant, il veut le tuer, le blesser. Qala, Cheikh al-Islam, fa hadha an-naw' yas'ub as-sabr 'alayhi jiddan. Ce naw', c'est très difficile de patienter. Pourquoi? Li'annaka, tu vois cette personne, il est injuste envers toi, il veut prendre ton mal. Il t'insulte, il te critique, il t'accuse, il te juge et il ment sur toi. C'est très dur de patienter. Lakin ta'ammal les fawa'id de Cheikh l'Islam qui va citer celui qui patiente an ha'oula. Qala li'anna an-nafs tastash'ir al-mu'dhi laha wa hiya takraha al-ghalaba fa tatlub al-intiqam. Ton nafs, elle déteste se faire humilier. Que Wahid, il a de l'orgueil et il veut prendre le dessus. Enfin, instinctivement, naturellement, ce insan yatlub l'intiqam, il veut se venger. قال فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. Il n'y a que l'anbiya, les prophètes as-siddiqoun, ceux qui sont véridiques, qui ont une aqidah solide, sahih, ils ont iman qawi, ils patientent. Amma akthar an-nas fi hadha al-bab, ils ne patientent pas. Bel kathirun min an-nas, ils dépassent les limites. Et il se venge, et lui-même, il est injuste. Li'annahu, il dépasse les limites. قال وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله. Celui qui patiente par rapport au quatrième cas, et si c'est une personne qui lui fait du mal, inshaAllah ta'ala, c'est une cause pour qu'il ait une fin heureuse, pour qu'Allah le secoue, pour qu'il soit guidé, pour qu'il soit heureux et pour qu'il soit en sécurité. Et Cheikh al-Islam rahmatullah alayhi, il a cité des adillah pour démontrer en celui qui veut réussir deux choses. قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. Celui qui veut réussir في دين الله, devenir un imam, devenir une référence بإذن الله عز وجل, il est obligé d'avoir ces deux choses, الصبر واليقين, أي la certitude أنه il sera récompensé, أنه il est sur le droit chemin. Et il lui faut de la patience pour avancer. Mais celui qui manque une des deux, as-sabr, il n'arrivera pas à patienter, il ne continuera pas. Un manque de yaqin, il désespérera. Et Cheikh al-Islam, il cite 20 points qu'on va lire en résumé. تُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى هَذَا الصَّبْرِ 20 causes qui vont t'aider à patienter par rapport au mal des gens. لِأَنَّ الْآنَ on vit dans un zaman. Anna, celui qui s'accroche à son dîn, Robama, il est combattu par sa propre famille. Robama, il est critiqué par son frère, par son père, par sa mère. Et ça, c'est pas tout le temps, walillahi alhamd. Kathir min al-aqarib, beaucoup de proches, ils soutiennent leur enfant ou leur frère s'il fait des efforts. Lakin, on vit dans une époque, l'an, amma al-adha, il est kathir. Imma min qarib ou ba'id. Quelqu'un de proche ou quelqu'un de, qui te connaît même pas, fal-mu'min, il doit patienter. Il doit s'efforcer de patienter. Et les 20 points qu'il va citer Cheikh al-Islam, تُعِينُكْ, elles t'aideront بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Le premier point, قال, أَنْ يَشْهَدْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. Cette aqida est muhimme. أَنَّكَ t'as la conviction que tout ce que ce abd il fait, être humain, ce qu'il fait, tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et c'est Allah qui a décrété ça. Et ça va te soulager. Tu vas dire qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Et tu vas savoir que fil haqiqa c'est une épreuve. Ça va t'aider à patienter. قال فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Pose-toi la question, pourquoi ce abd te fait du mal? Qui sait qui a fait que ce abd il te fait du mal? قال ولا تنظر إلى فعلهم بك. Ne regarde pas que ce qu'il fait. أنه يتنسلته أنه يتكريتك. لا تستريح من الهم والغم. Ça va te reposer. Enfin, ça c'est le premier point. أي أن الله c'est lui qui a créé ce abd. Et Allah, c'est lui qui a tout qadr. Donc, anta tastarih. Anna, ça, c'est min qadrillah. Fais les causes faqat pour repousser et patience. Deuxième point. An yashhad dhunubahu wa anna Allah innama sallatahum alayhi bi dhanbih. Le deuxième point, c'est la réponse au premier. On s'est posé la question, pourquoi ce abd sallat alayk? Sallat alayk, c'est pourquoi ce abd, il te fait du mal. كأنه il est poussé à te faire du mal. Pourquoi? La réponse, regarde tes péchés. لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout ce qui vous touche comme مصيبة, comme catastrophe, que ce soit une maladie, que ce soit une perte d'argent, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit un problème, que ce soit des problèmes de justice ou d'argent, Tout ça, c'est fima kasabat aydikum. C'est ce que tes mains, elles ont fait. C'est pour ça qu'on ne doit pas toujours regarder les autres. Et ce n'est pas toujours la faute des autres. La chèque n'a personne le droit d'être injuste envers toi. Lakin, pose-toi la question, na'am, il est injuste. Lakin, peut-être que cette injustice, c'est le fruit de mada d'une autre injustice. Toi-même, tu es injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala salata hada al-'abd pour te rappeler ton injustice. Et ça, al-haqiqa, ça calme hada al-'abd et il se remet en question. قال فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب. الآن c'est la réponse à ta question. Quand quelqu'un te fait du mal, rappelle-toi tes péchés, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, fais tauba, repens-toi et tu verras que cette épreuve elle disparaîtra بإذن الله عز وجل. Troisième point, أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Troisième point, pense à la récompense. Si tu patientes, belle, si tu lui pardonnes à cette personne qui t'a fait du mal, ta'fou anhu. Beaucoup de ceux qui font du mal, c'est des ignorants. Juhal, il suit les gens. Avec les médias, avec la télé, avec internet, ils entendent qu'un tel, il a fait telle chose. Fabardhum, ils n'ont aucun temiz, aucune distinction. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Si tu patientes, si c'est un jahil, si c'est une personne âgée, tu as un ajr azim عند الله فاجره على الله, ta récompense elle est عند الله عز وجل. Si tu subis une injustice et tu penses à هذا, ça va te reposer, tu vas dire alhamdulillah. فالحقيقه c'est un bien, c'est des hasanat يوم القيامه. قال شيخ الاسلام ولما كان الناس عند مقابله الاداء ثلاثه اقسام, ظالم ياخذ فوق حقه ومقتصد ياخذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه ذكر الاقسام الثلاثه في هذه الايه. صحيح ان dans ce verset il y a trois catégories de personnes. وجزاء سيئه سيئه مثلها, ça c'est le muqtasid, انه si on lui fait du mal il répond, il a le droit, t'as le droit en fait dit. نحن quand on dit patienter et pardonner, فهذه c'est الدرجات العلى, celui qui peut c'est mieux. Et pense à la récompense, elle est énorme. Mais celui qui répond, واحد, il veut te faire du mal, et tu réponds sans dépasser les limites, فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا, فَهَذَا c'est permis. Allah, il a cité le premier qasm. فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, ça c'est la deuxième catégorie. Anna, celui qui pardonne à celui qui lui fait une injustice, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, ça c'est les hauts degrés. ثُمَّ le troisième qasm, إِنَّهُ لَيُحِبُّ الظَّالِمِينَ, les injustes. Un واحد, il te fait une chose et un tas, tu lui fais 10 choses. Et tu te venges et tu mens et tu fais encore pire que lui. فهذا c'est du ظلم. Allah, il déteste le ظلم. Quatrième point. الرابع, أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر وحصل له من حلاوات العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا. صحيح أن celui qui pardonne, il sentira dans son cœur une raha, il sentira un goût, أنه il a pardonné et il sentira beaucoup mieux. Mais se venger, c'est pas forcément la solution. Khassatan, si tu comprends les autres points qu'on va citer, inshallah. Le cinquième, an ya'lam annahu man taqama ahadun qatl nafsihi illa awrathahu dhalik dhullan yajiduhu fi nafsihi. Surtout ceux qui se vengent pour eux-mêmes. Ahyanan, wahid, il te fait quelque chose et tu te venges que pour toi-même. Lianna, ba'd an-nas, ils vont te faire du mal par rapport à ton din. Quand c'est fait dit, ne pense pas à secourir ton nefs, à venger ton nefs. Là, tu appelles à quelque chose de noble, de azim. Enfin, ne pense pas qu'à toi. Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait du mal, ils ont été injustes envers lui. Ta'alamoun al-Qissa, quand il a été à Ta'if faire da'wa, et ils lui ont jeté des pierres, hatta il a saigné, alayhi salatu wa sallam, et il a fait da'wa. Quand l'ange, il est venu, inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a demandé son ordre, أي أنه إلي إلي كرس سبب لانتر دو مونتان, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا, Et il a fait dua, Allahumma, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ou comme il a dit, pardonne-leur, ya Rab, ils ne savent pas. Ça montre que celui qui, fait le haqiqa, il fait pour Allah Azza wa Jalla, il ne voudra pas se venger. Son but c'est de la guider des autres, son but c'est d'aider les autres. قال فإذا عفا أعزه الله وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا هذا si tu le veux بالعفو قال فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل بالانتقام أما celui qui cherche العز أي avoir le dessus. On peut traduire, c'est afdal, avoir le dessus, en se vengeant pour sa propre personne, Farubama il n'arrivera pas à avoir le dessus. Amma celui qui applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mazadallahu abdan bi'afwin, et pardonne, illa izzan, Farubama t'aura le dessus. Pourquoi? Parce que tu lui as pardonné. Sixième point, wa hiya min a'zam al-fawa'id, qal shaykh al-islam, an yashhad an al-jaza min jins al-amal. Et on l'a déjà cité. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Si on t'a fait une injustice, si tu subis une injustice, c'est parce que tu as été injuste. Si tu t'es fait voler, Rabbama, tu as déjà volé. Donc fais tauba et écarte-toi des injustices, hatta tu subis pas d'injustice. Wa anna nafsahu zalimun mudnib. Et ça veut pas dire forcément que ça sera le même acte. Fa mathalan wahid, il s'est fait voler, mais moi j'ai jamais volé personne. Là, peut-être que t'as pas volé, mais t'as fait une injustice, t'as critiqué, t'as menti, t'as été médisant. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve avec un shirir. Wahad la yakhaf Allah, il te fait du mal. Wa anna man afa anil nas, afa Allahu anhu. Kadhalik, ça va dans l'autre sens. Al jaza'u min jins al amal. Anna celui qui pardonne. Mathalan, wahad il t'a fait une injustice. Et anta tu lui pardonnes lillahi azza wa jalla, pas parce que tu as peur ou parce que tu peux pas répondre. Là, surtout on répète s'il te fait une injustice par rapport au din, il te critique par rapport au din, ou fahada ittaqillahi azza wa jalla lanaka t'essayes de propager din Allah, et ne te précipite pas à te venger pour toi-même. Bal ta'fu an lillahi azza wa jalla et al jaza min jins al amal. Tu lui as pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne يوم القيامة. Et ça c'est min a'zam al-fawa'id comme a قال شيخ الاسلام. السابع, septième point, an ya'lam annahu idha ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talab al muqabala dha'a 'alayhi zamanuhu wa tafarraqa 'alayhi qalbuhu. Et ça c'est une autre fa'ida 'azima. Si tu veux te venger de tout le monde et à peine واحد il parle, tanfa'il, tu perds tes moyens. Et pourquoi il a dit ça? Et tu essaies de da'iman, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Rupama, بعض الناس الآن, ils ont rien à faire. خاصة من العوام, خاصة من الجهال. Il a rien à faire, il va te critiquer très simplement. لا يخاف الله, son iman il est faible. فأنت, si tu viens à suivre et à répondre à chaque fois que واحد te critique et ça te touche, tu vas faire du mal à ton cœur et tu vas perdre ton temps. Fais attention, أخي الكريم, de ne pas perdre tes moyens face à quelqu'un qui te veut du mal. C'est ce qu'il veut, quoi. Tu perds tes moyens, tu t'énerves. Wallahi, s'il te critique, tu fais comme s'il n'y avait rien. Et celui qui a la capacité, il pardonne, tu verras que cette personne qui veut te faire du mal, elle va s'éteindre. Et là où il sait qu'avec toi, il n'y a rien à gagner. Et il sait qu'il se fait du mal. Hattanas, Rabbama, ils vont lui dire, t'es injuste. Il t'a jamais rien fait, ben il te pardonne et tu continues à parler. Farabbama, hatta aux yeux des gens, il est humilié et il n'a aucun poids. Amma, donner de la valeur à quelqu'un qui ne mérite pas, fala. Comme a dit le sha'ir, awa kullama tanna ad-dubab zajartuhu fa inna ad-dubab idhan alayya karimu. Hakada il disait un poète arabe. Awa kullama tanna ad-dubab zajartuhu. Et à chaque fois qu'une mouche elle va venir, et wahid yanfa'il, une mouche, c'est embêtant ahyanan. Fa rubbama wahid yanfa'il. Qala inna ad-dubab idhan alayya karimu. Dans ce cas-là, tu as donné trop d'importance à cette mouche. Leur mal, leur accusation, fait comme si c'était des mouches. Et tu verras qu'ils vont se fatiguer avant toi. Huitième point. Intiqamuhu laha فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله، أي celui qui fait du mal في الحقيقة، celui qui fait du mal au prophète صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، il veut faire du mal à Allah عز وجل. Avec tout ça, Nabi صلى الله عليه وسلم il ne s'est pas vengé pour lui-même. فنحن كذلك. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Pourquoi tu on défendrait notre nafs, bien sûr quand on parle de din, ou se venger pour nous, ou واحد t'a critiqué كأنه, alors que في الحقيقة on est des du'afa avec nos péchés, avec nos défauts. Enfin, on doit faire attention à ce point. Se remettre en question, c'est mieux que toujours mettre la faute sur les autres. Et si quelqu'un te fait une injustice, i'lam an Allah subhanahu wa ta'ala hakimun basirun sami'un, annahu il l'entend, il le voit, et il y aura un jour de justice. Garde ton calme, avance, et si t'es à la haq, t'es à la haq. Wallahi, même s'il critique nuit et jour, il se fait du mal qu'à lui-même. Neuvième point. إن أوذي على ما فعله لله. Et c'est ce point qu'on a insisté. Mais si il veut prendre un de tes biens injustement, bien sûr, في هذا الحال, tu te défends. Ou il veut faire du mal à un de tes proches, bien sûr. لكن كلام par rapport à ton dîn ou par rapport et c'est une personne, elle a aucun poids. في الحقيقة ne fais pas attention. Ne fais pas attention, et si c'est un jahil, tu lui pardonnes. فَلَعَلَّ ton pardon, ça lui fait du bien. كذلك. إِنْ أُوذِيَ عَلَى مَا فَعَلَهُ لِلَّهِ أَوْ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَنُهِيَ عَنْهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّبْرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِنْتِقَابِ فَإِنَّهُ قَدْ أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Si tu as subi un mal parce que tu t'es accroché à ton dîn, ne défends pas ton nefs. T'as été accusé ou critiqué par rapport à ton dîn, celui qui te récompensera, c'est Allah. Ne cherche pas la récompense toi-même. Et tu veux te défendre pour satisfaire ton nefs. Là, patiente comme ils ont patienté al-Rasul. Et tu verras que al-aqibatu lil-muttaqi. Dixième point, an yashhad ma'iyat Allah ma'ahu idha sabr, wa mahabbat Allah lahu idha sabr, wa ridha. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات فلا يدفعه عنه أحد من خلقه قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. معية الله أن الله سبحانه وتعالى il est avec ceux qui patient, أي ينصرهم ويؤيدهم ويدفع عنهم الشر والبلاء وكيد الأشرار. أن الله سبحانه وتعالى il est avec ceux qui patient. فأنت دائما rappelle-toi هذا. Si il te fait une injustice ou il veut ton mal, i'lam anna Allah il est avec toi. Enfin, il ne pourra rien te faire. Même s'il te fait quelque chose, c'est un mal pour lui et c'est un bien pour toi. Fasbir. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbu as-sabirin. Kadhalik, ta situation c'est une ni'ma. Si tu subis une injustice, Allah il déteste al-zalimin. Et si tu patientes, Allah il aime as-sabirin. Enfin, ta situation c'est une ni'ma. لكن احيانا نحن نصبط on oublie tout ça et on voit que la personne انه il est injuste, انه il a menti, انه il veut me faire. يا اخي essaye de regarder plus loin. لان si c'est pas cette personne qui te fait du mal aujourd'hui, demain ça sera un autre, après demain un autre. Enfin, tu vas perdre ton temps comme قلنا. Essaye d'avancer, voir plus loin et tu verras que les gens في الحقيقة c'est leur ignorance et leur faiblesse. Ne crois pas que celui qui crie ou qui parle beaucoup, ou qui est injuste, il est fort. C'est sa faiblesse qui lui fait ça. Il n'a rien à faire, il n'a aucun objectif. Le shaitan, il le pousse pour faire du mal à Ahl al-Khayr. Et tu as été éprouvé par ça. Onzième point. Al-Hadi Ashar. An yashhad anna sabra nusful iman. Fala yubaddil min imanihi jaza'an fi nusrati nafsih. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص والله يدفع عن الذين آمنوا. الصبر c'est la moitié de l'iman. Donc ne délaisse pas cette moitié pour te défendre absolument. لا. فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه. Si tu patientes, alhamdulillah, c'est que ton iman il est présent. Et plus l'insan est patient, plus son iman il est قوي. كذلك سيئ النعمة. 12 point. أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره ولقائه في المهالك. كذلك c'est une ni'ma pour toi de patienter لأن تعرف تنير ce نفس لأن النفس تأمر بالسوء وبالشر. فأنت si tu réponds pas forcément, واحد te veut du mal et أنت tu patientes بل تعرف à un niveau أنك tu lui pardonnes. ففي هذا الحال ça montre que t'arrives à maîtriser ton nefs. Et si t'arrives à maîtriser ton nefs, ton nefs et ton âme, elle te poussera pas à ta perte. Il faut faire attention. N'ahiyana on se défend, c'est pas pour din. Wahid il te parle, même s'il te critique par rapport à ton din, ahiyana on se défend parce que c'est nous. Et au fond toi tu te défends parce que c'est ton nefs. Farubama ton nefs, à cause de cette colère ou ce manque de maîtrise, elle te pousse un jour à une ma'asiyah. Elle n'arrive pas à tenir ce nefs. Donc faites attention à hada. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. Douzième point, an yashhad anna sabrahu, ou qara'na. Al-thalith ashar, treizième point, an ya'lam annahu in sabra fallahu nasiruhu wa la budd. Si tu patientes, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala il te secourra. Inna nasra مع الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر. Tu veux être secouru, avoir le dessus, patiente. La patience c'est la cause. ثم les conséquences de cette cause, et ce qui viendra après, c'est le secours d'Allah عز وجل. فالآن الكفرة ils font du mal aux مؤمنون et ils sont injustes. اصبر فقط, accroche-toi à ton دين, ne te laisse pas emporter, c'est ce qu'ils veulent. Ne perds pas tes moyens, c'est ce qu'ils veulent. Ne sois pas injuste, c'est ce qu'ils veulent. Et tu verras que al-Nasr, il arrivera. Bi-idhnillahi azza wa jalla. Quatorzième point, anna sabrahu ala man adhah wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an zulmihi wa nadamatahu wa i'tidharahu wa lawm an-nas lah. On l'avait cité hada. Anna, si tu patientes, rubbama cette patience, c'est une cause que cette personne à la base qui te voulait du mal, elle revient au haqq. Bien sûr, c'est sa aql. Amma ba'd an-nas, c'est des mujrimin. Il veut toujours avoir raison et son but c'est le mal. Lakin kathir min an-nas, fi al-haqiqa, il a fait une injustice, lakin il a la raison. Il réfléchit. S'il voit ton comportement que tu es calme, tu es patient, bar rubama tu lui pardonnes. Il revient au haqq. Qala 'azza wa jalla, Cheikh al-Islam il a cité le verset, ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ادفع بالتي هي احسن, repousse de la meilleure des manières, ne te laisse pas emporter. S'il a été injuste, ne sois pas injuste. فاذا الذي بينك وبينه عداوه, اي cette personne qui avait une animosité envers toi, il voulait ton mal, كانه ولي حميم, ça devient un ami proche. Et Rabbama, il reconnaîtra le ma'ruf. Anna, cette personne, c'est la cause que j'ai ouvert les yeux. Donc, as-sabr, c'est une ni'ma pour toi. Et kadalik, da'wa, c'est un rappel pour les autres. Wa lawm an-nas lah, on l'a cité, hala. Rabbama, si tu vas si, et des uqala, ils voient, ou ils sont au courant de ces injustices, Rabbama, eux-mêmes, ils le critiquent. Annahu, il a été injuste envers toi. Et ils se mettent de ton côté. Et anta, tu gardes ton calme. Quinzième point. ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه. ربما si tu veux te défendre alors qu'il t'a fait un mal et tu patientes pas, tu vas te défendre, ربما هو il a rien à faire et va continuer à te faire du mal et il va te prendre ton temps. أما tu l'aurais ignoré du premier jour, tu fais pas attention, ça arrive هذا. مثلا tu rentres dans un masjid et واحد tu l'entends il dit une kalima ou un geste, ou que ça soit dans le souk, ou ça arrive beaucoup avec les voisins, tu fais comme s'il n'y avait rien, tu patientes, bien sûr tant qu'il ne dépasse pas les limites. Mais il y a des cas, tu es obligé de repousser. Mais si ça reste une parole, ça reste un geste, tu fais comme s'il n'existait pas, tu verras qu'il va se fatiguer. Mais tu réponds, ton mahoua son shaitan, il le pousse. Et vu qu'il n'a rien à faire, fahoua, il en profite. Et il se concentre que sur toi et il te fait perdre ton temps. Et Rabbama, ça finit très loin. Un jour, tu patientes pas et ça peut aller très très loin. Quand Quand les choses elles sont petites, on essaye de les garder petites. Kadhalik avec son épouse, ou la femme avec son époux. Certaines choses, il faut fermer les yeux. Amma vouloir se venger, thumma elle se venge. Thumma c'est une vie, iyadam billah, une vie de ta'b, ta'asa. C'est ce qu'il veut, Iblis. 16e point. أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها الواجب لها لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها. Et ça c'est important et on l'a cité. Celui qui s'habitue à défendre son nefs, un jour il perdra son froid et il dépassera les limites. Un jour il va se défendre bihaq, un deuxième jour, un troisième jour il va exagérer, un quatrième jour Obama il dépasse les limites. Lui-même il devient injuste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas habitué son nefs à patienter. N'oublie jamais que ton premier ennemi c'est ton nefs, c'est ton âme. Alors Obama au départ elle va t'appeler à te venger. Comment tu vas te taire? T'es pas courageux. Les gens ils vont dire, Anta tu vas te défendre bihaq, un deuxième jour, un troisième jour, t'as plus l'habitude de patienter. Probablement un jour tu dépasses les limites et tu te fais beaucoup de mal. S'habituer à la patience, c'est muhim. Naam, on l'a vu le 16e. 17e point. Sabi achar, anna hadhihi al-madlama allati zulimaha hiya sababun imma li takfir sayyiatihi aw raf' darajatihi fa idha intaqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiatihi wa la rafi'atan li darajatihi. Amma celui qui patiente pas et veut se venger, c'est moubah dans certains cas. Il a le droit dans certains cas s'il ne dépasse pas les limites. Lakin il n'aura pas la récompense de celui qui a patienté. Amma celui qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala et lui efface certaines fautes, il l'élève en degré. Pourquoi? Parce qu'il a patienté. فأحسن الصبر avec tous les points qu'on a cités plus celui-là, il n'y a aucun doute que الصبر c'est quelque chose de عظيم. والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. 18e point, أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس. صحيح. Vous avez remarqué que les gens, ils n'ont pas peur et ils craignent pas ceux qui parlent beaucoup et ceux qui perdent leur sang-froid. Amma, si tu restes calme, tu parles pas beaucoup, tu parles que bilhaq et tu patientes, tu verras que ça va humilier ton ennemi et il va se méfier. Et il cherchera quelqu'un comme lui pour ses problèmes. Et hada, c'est vous l'avez vu et Rabbama, vous l'avez entendu. Fas sabr ya khayr azim. Hatta pour le adou. قال فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكته فإذا انتقم زال ذلك كله ولهذا تجد كثير من الناس إذا شتم غيره أو أذاه يحب أن يستوف منه فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقالا كان يجده. 19 point, أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه. Surtout si c'est un عاقل. أن si tu te tais, tu patientes et tu lui pardonnes, cet homme ou cette femme qui ont voulu ton mal, ils vont se rendre compte eux-mêmes que tu es au-dessus d'eux. C'est un aqil, il va dire sahih. Anna, je perds mon temps, je suis injuste, et regarde-lui son comportement. Même s'il ne le dit pas, que tu es au-dessus de lui et que tu es afdal min. Et ça, fait le haqiqa, ça éteint cette fitna, ce problème. وأنه قد ربح عليه فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. Si tu le pardonnes, il saura que walou, dans ce point-là, tu as été mieux que lui, tu as été meilleur que lui. Léna, tu lui as pardonné. Et où il a voulu te faire ton mal. Léna, là, t'en vends. Ceux qui font du mal, surtout si c'est des uqala, ils savent très bien qu'ils sont injustes. Là, il y a des causes, le shaitan, l'ignorance, et bardohum, ils comprennent mal. Si toi, tu patientes et tu lui pardonnes, au fond de lui, il saura que tu es à la khayr. Dernier point, al-ishroun. أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى وتلك الأخرى تولد له أخرى. Et ça c'est une faïda azima. Et Cheikh l'Islam il conclut avec ce point. أن si tu lui pardonnes et tu fermes les yeux, c'est une hasana, c'est une bonne action. La bonne action elle va emmener une autre bonne action. Cette bonne action elle emmènera une autre bonne action et tu seras fi khayr. والعكس كذلك فلا تزال قال حسنته في مزيد Donc, ça sera une porte ouverte pour plusieurs hasanat. قال كما أن من عاقب السيئة السيئة بعدها وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. أما si il veut se venger que pour lui-même, فربما tout ce أجر il l'a plus. Et comme on a cité dans les autres points, ça peut le pousser lui-même à être injuste. هذا الذي أردنا. Ces 20 points que Cheikh l'Islam il a cité في هذه المسألة في الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جامع المسائل de Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجلد الأول.